Dossier 3. Leçon 1. Activité 9. L'invité de Regards Croisés est aujourd'hui un journaliste américain amoureux de la France et des Français depuis près de 30 ans et qui nous donne sa perception des Français aux États-Unis. Une vision très intéressante, made in USA. Pat Anderson, bonjour. Bonjour à vous. Selon vous, que peuvent apporter les Français aux Américains ? Montrer aux Américains comment vivre mieux. Les Américains travaillent trop. Ce ne sont pas les meilleurs travailleurs. Les Français travaillent moins, mais ont une meilleure productivité. Et que peut apporter l'Amérique aux Français ? L'Amérique peut offrir aux Français des opportunités qu'on ne trouve pas en France. Il y a moins d'obstacles pour commencer un business, mais attention, n'attendez aucune aide de personne aux États-Unis d'un point de vue économique. Là-bas, vous devez vous débrouiller tout seul. Dans la vie quotidienne, quelle différence voyez-vous entre les Américains et les Français ? J'ai un exemple très concret, les repas. Si un dîner américain dure une demi-heure, c'est une victoire exceptionnelle. En France, cela peut durer des heures. Un autre exemple. La première question que vous posera un Américain est « Que faites-vous comme métier ?» L'Américain veut savoir ce qu'il y a dans votre portefeuille. Et le Français, ce qu'il y a dans votre cœur et votre tête. Pour les Américains qui aiment la France, ils voudraient bien y vivre, mais avec un salaire américain.